Chapitre 4. Conversation de mon père avec Bonaparte. Campagne de Marengo. Bonaparte partit au printemps de 1800 pour faire la campagne d'Italie, connue surtout par la bataille de Marengo. Il passa par Genève, et comme il témoigna le désir de voir M. Necker, mon père se rendit chez lui, plus dans l'espoir de me servir que pour tout autre motif. Bonaparte le reçut fort bien et lui parla de ses projets du moment avec cette sorte de confiance qui est dans son caractère, ou plutôt dans son calcul, car c'est toujours ainsi qu'il faut appeler son caractère. Mon père n'éprouva point, en le voyant, la même impression que moi. Sa présence ne lui imposa point, et il ne trouva rien de transcendant dans sa conversation. J'ai cherché à me rendre compte de cette différence dans nos jugements, et je crois qu'elle tient d'abord à ce que la dignité simple et vraie des manières de mon père lui assurait les égards de tous ceux à qui il parlait, et que d'ailleurs le genre de supériorité de Bonaparte, provenant bien plus de l'habileté dans le mal que de la hauteur des pensées dans le bien, ses paroles ne doivent pas faire concevoir ce qui le distingue. Il ne pourrait, il ne voudrait expliquer son propre instinct machiavélique. Mon père ne parla point à Bonaparte de ses 2 millions déposés au trésor public. Il ne voulut lui montrer d'intérêt que pour moi. Il lui dit, entre autres choses, que, de la même manière que le premier consul aimait à s'entourer de noms illustres, il devait se plaire aussi à accueillir les talents célèbres, comme décoration de sa puissance. Bonaparte lui répondit avec obligeance, et le résultat de cet entretien fut de m'assurer, du moins pour quelque temps encore, le séjour de la France. C'est la dernière fois que la main protectrice de mon père s'est étendue sur ma vie. Depuis, il n'a pas été le témoin des persécutions cruelles qui l'auraient plus irrité que moi-même. Bonaparte se rendit à Lausanne pour préparer l'expédition du Mont-Saint-Bernard. Le vieux général autrichien ne crut point à la hardiesse d'une telle entreprise et ne fit pas les préparatifs nécessaires pour s'y opposer. Un corps de troupes peu considérable aurait suffi, dit-on, pour perdre l'armée française, au milieu des gorges de montagne où Bonaparte la faisait passer. Mais dans cette circonstance, comme dans plusieurs autres, on a pu appliquer au triomphe de Bonaparte ces vers de Jean-Baptiste Rousseau. L'inexpérience indocile du compagnon de Paul-Émile fit tout le succès d'Annibal. J'arrivai en Suisse pour passer l'été avec mon père, suivant ma coutume, à peu près vers le temps où l'armée française traversait les Alpes. On voyait sans cesse des troupes parcourir ces paisibles contrées que le majestueux rempart des Alpes devait mettre à l'abri des orages et de la politique. Pendant ces belles soirées d'été, sur le bord du lac de Genève, j'avais presque honte de tant m'inquiéter de choses de ce monde en présence de ce ciel serein et de cette onde si pure. Mais je ne pouvais vaincre mon agitation intérieure. Je souhaitais que Bonaparte fût battu, parce que c'était le seul moyen d'arrêter les progrès de sa tyrannie. Toutefois, je n'osais encore avouer ce désir, et le préfet du Léman, M. Desmarres, ancien député à l'Assemblée constituante, se rappelant le temps où nous chérissions ensemble l'espoir de la liberté, m'envoyait des courriers à toutes les heures pour m'apprendre les progrès des Français en Italie. Il m'eût été difficile de faire concevoir à M. Desmarres, homme fort intéressant d'ailleurs, que le bien de la France exigeait qu'elle eût alors des revers, et je recevais les prétendues bonnes nouvelles qu'il m'envoyait d'une façon contrainte, qui s'accordait mal avec mon caractère. N'a-t-il pas fallu depuis apprendre sans cesse les triomphes de celui qui faisait retomber ses succès sur la tête de tous et de chacun? Et jamais de tant de victoires est-il résulté un seul bonheur pour la triste France. La bataille de Marengo a été perdue pendant 2 heures. Ce fut la négligence du général Mélas, qui se fia trop à ses succès, et l'audace du général de Saxe, qui rendirent la victoire aux armes françaises. Pendant que le sort de la bataille était désespéré, Bonaparte se promenait lentement à cheval devant ses troupes, pensif, la tête baissée, courageux contre le danger plus que contre le malheur, n'essayant rien, mais attendant la fortune. Il s'est conduit plusieurs fois ainsi, et il s'en est bien trouvé. Mais je crois toujours que, s'il avait eu, parmi ses adversaires, un homme de caractère autant que de probité, Bonaparte se serait arrêté devant cet obstacle. Son grand talent est d'effrayer les faibles et de tirer parti des hommes immoraux. Quand il rencontre l'honnêteté quelque part, on dirait que ses artifices sont déconcertés, comme les conjurations du démon par le signe de la croix. L'armistice, qui fut la suite de la bataille de Marengo, et dont la condition était la cession de toutes les places fortes du nord de l'Italie, fut très désavantageux à l'Autriche. Bonaparte n'aurait pu rien obtenir de plus par la continuation même de ses victoires. Mais on dirait que les puissances du continent se sont fait honneur de céder ce qu'il eût encore mieux valu se laisser prendre. On s'est empressé, avec Napoléon, de lui sanctionner ses injustices, de lui légitimer ses conquêtes, tandis qu'il fallait, alors même qu'on ne pouvait le vaincre, au moins ne pas le seconder. Ce n'était pas trop demandé aux anciens cabinets de l'Europe. Mais ils ne comprenaient rien à une situation si nouvelle, et Bonaparte les étourdissait par tant de menaces et tant de promesses, tout ensemble, qu'ils croyaient gagner en donnant, et se réjouissaient du mot de paix comme si ce mot eût conservé le même sens qu'autrefois. Les illuminations, les révérences, les dîners et les coups de canon pour célébrer cette paix étaient absolument les mêmes que jadis. Mais, loin de cicatriser les blessures, elle introduisait dans le gouvernement qui la signait un principe de mort d'un effet certain. Le trait le plus caractérisé de la fortune de Napoléon, ce sont les souverains qu'il a trouvés sur le trône. Paul Ier, surtout, lui a rendu des services incalculables. Il a pris pour lui l'enthousiasme que son père avait éprouvé pour Frédéric II. Il a abandonné l'Autriche dans le moment où elle essayait encore de lutter. Bonaparte lui persuada que l'Europe entière serait pacifiée pour des siècles si les deux grands empires de l'Orient et de l'Occident étaient d'accord. Et Paul Ier, qui avait quelque chose de chevaleresque dans l'esprit, se laissa prendre à ses mensonges. C'était un coup du sort pour Bonaparte que de rencontrer une tête couronnée si facile à exalter et qui réunissait la violence à la faiblesse. Aussi regretta-t-il beaucoup Paul Ier, car nul homme ne lui convenait mieux à tromper. Lucien, ministre de l'Intérieur, qui connaissait parfaitement les projets de son frère, fit publier une brochure destinée à préparer les esprits à l'établissement d'une nouvelle dynastie. Cette publication était prématurée, elle fit un mauvais effet. Fouché s'en servit pour perdre Lucien. Il dit à Bonaparte que le secret était trop tôt révélé, et au parti républicain que Bonaparte désavouait son frère. En effet, Lucien fut envoyé alors comme ambassadeur en Espagne. Le système de Bonaparte était d'avancer de mois en mois dans la carrière du pouvoir. Il faisait répandre comme bruit des résolutions qu'il avait envie de prendre, afin d'essayer ainsi l'opinion. D'ordinaire même, il avait soin qu'on exagérât ce qu'il projetait, afin que la chose même, quand elle arrivait, fût un adoucissement à la crainte qui avait circulé dans le public. La vivacité de Lucien, cette fois, s'emporta trop loin, et Bonaparte jugea nécessaire de le sacrifier, en apparence, pendant quelque temps.